Force les sages, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Et bienvenue au Grain de Sable, bienvenue dans ce Grain de Sable noyé dans la slush aujourd'hui. Ça sent le printemps. Pendant l'émission, je pense que la neige va se transformer en pluie, donc bienvenue à l'odeur du printemps. En studio avec nous, Dominique Bernier, chroniqueuse habituée, vous connaissez Dominique, qui va nous parler d'un de ses domaines de spécialisation, les mines. On vous en dit pas plus tout de suite, mais Dominique nous en aura. Et nous avons aussi Miguel Ross, donc restez avec nous jusqu'à la deuxième demi-heure, jusqu'à 1h30. On parlera avec Miguel Ross, le président de l'INUC, qui est un groupe de logiciels libres et qui ont des activités à venir. Il est aussi en lien avec le garage Linux. Et on vous donnera effectivement certains grains de sable de la société, des possibilités de consommer des logiciels non propriétaires gratuitement, n'est-ce pas, Miguel? Oui, absolument. Oui. Et Dominique, il y a eu un communiqué de presse émis cette semaine par pour que le Québec ait meilleure mine. J'aime tellement, c'est tellement original comme nom de regroupement. Ça regroupe plusieurs organismes et il y a un communiqué important puisqu'il y a un livre vert qui est sorti. Donne-nous quelques détails là-dessus. Oui, en fait, faut savoir que le ministre Pierre Arcan, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a déposé sans préavis cette semaine son livre vert sur les orientations qu'il entend prendre en matière d'acceptabilité sociale. Bon, là, c'est sûr que la coalition, nous, on a déposé un communiqué, mais l'acceptabilité sociale, ça touche pas juste les mines, là, ça touche l'ensemble de la gestion des projets de ressources naturelles, mais on pourrait aussi penser que ça toucherait des projets industriels ou d'autres natures aussi, ou même des projets agricoles, par exemple. Donc, en fait, l'idée derrière ça, faut savoir qu'au départ, il y a un chantier sur l'acceptabilité sociale qui a été tenu au printemps dernier, printemps 2015, par le ministre Arcan. Là, il y a des consultations qui ont eu lieu, mais c'était des consultations, on se le rappelle, fermées, c'est-à-dire que c'était sur invitation. L'industrie était surreprésentée. Les journalistes n'étaient pas invités. Ben voyons donc. D'ailleurs, Monsieur Alexandre Shields du Devoir, le chroniqueur environnement, a fait une petite sortie là-dessus parce que c'est un peu spécial là, que le ministre consulte, mais que les médias ne puissent pas rendre compte de ces consultations-là. Donc, ça a donné lieu à un rapport qui a été produit par la firme qui était engagée pour tenir les consultations. Des constats intéressants dans le rapport quand même. En fait, tous les points de vue ont été quand même assez bien représentés dans le rapport, sauf que, bon, comme je le disais précédemment, il y avait un déséquilibre. Il y avait quelques groupes comme la coalition, comme les nôtres, mais il n'y avait pas vraiment de simples citoyens, là. Il n'y avait pas tant que ça de représentants des groupes de citoyens qui sont touchés par des projets directement non plus. Donc, on n'a pas pu évaluer l'acceptation sociale. Ben, selon c'est quoi, que les minières qui étaient invités, que les gens du domaine, l'association des minières? Ben, pas seulement, parce qu'on sait que, comme je le disais, ça touche d'autres domaines industriels, notamment le domaine pétrolier. Il faudrait pas l'oublier avec les pipelines qu'on attend au Québec, qu'on attend de pied ferme, qu'on espère ne pas avoir au Québec. Donc, il y avait bien sûr des représentants des organisations qui s'opposent aux pipelines. Il y avait aussi, bien sûr, des représentants de l'association pétrolière et gazière et d'autres lobby comme ceux-là. Mais bon, c'est pas tant contre le rapport qu'on en a, mais plus, en fait, à l'idée, nous, on remet en cause même la notion d'acceptabilité sociale, dans ce sens que le fait qu'une population accepte ou pas un projet, selon nous, c'est pas... Le fait qu'une population accepte un projet, ça devrait pas permettre à un projet d'aller à l'encontre des droits de la personne, par exemple, ou d'aller à l'encontre du droit de l'environnement. Donc, à ce moment-là, selon nous, le cadre d'analyse qu'on devrait privilégier, c'est beaucoup plus celui des droits humains parce que ça repose sur un consensus social qui a été établi au fil du temps, qui est assez solide, qui a été hautement travaillé, qui c'est un consensus international, là, la question, les pactes sur les droits humains là, à l'échelle internationale, puis notre résonance nationale qui prend la forme de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Donc, selon nous, c'est beaucoup plus de s'assurer que les projets ne briment pas les droits des personnes, le droit de vivre en santé, le droit de... La qualité de vie. Oui, c'est ça, la qualité de vie des gens. Donc, c'était un peu l'objet l'essence de nos propositions. Et selon nous, il ne peut pas y avoir d'acceptabilité sociale s'il n'y a pas possibilité de dire non à un projet. Parce qu'en fait, comment peut-on accepter si on ne peut pas dire non? Oui, c'est ça. C'est comme si tu embarques dans un processus de machine à saucisses où tu es obligé d'avoir une saucisse à l'autre bout, alors que on pourrait décider de ne pas manger de saucisse. Exactement. Ça empêche de. Si le processus est vicié à la base puis empêche de dire non, on n'a rien. C'est comme si on n'avait rien à dire. C'est cause toujours. Là. Ça veut dire qu'on va consulter, mais en bout de ligne, il faut qu'il y ait un projet. La définition initiale qui était utilisée par le gouvernement, c'est l'acceptabilité sociale, c'est les conditions à mettre en place pour qu'un projet soit accepté par une communauté. Donc, c'est un peu comment on doit vendre un projet pour qu'il soit accepté. Là. Nous, on a critiqué cette définition-là. Par contre, on a des surprises intéressantes là, dans le livre vert. Oui, d'ailleurs, tu dis dans le livre vert, dans le communiqué de presse qui concerne la coalition pour que le Québec aille meilleure mine, toi-même, on te cite, en fait, le livre vert soutient que l'acceptabilité sociale ne signifie pas unanimité, mais reste muet sur la nécessité de protéger les droits des personnes, comme tu mentionnais, et des collectivités directement affectées par des impacts à leur propriété, à leur environnement et à leur qualité de vie. Mais il y a des exemples récents qui peuvent nous allumer là-dessus. Tout à fait. Oui, si on pense aux citoyens de la ville de Malartic en Abitibi, on sait que cette petite ville a été, il y a une mine qui s'est construite en plein milieu de la ville. Là. C'est ça que c'est passé. J'ai vu un reportage à un moment donné. Oui, il y a des gens qui voulaient vendre leur maison. Il y en a qui se demandaient si elle allait être expropriée ou si elle allait rester. Exactement. Certaines maisons sont restées, mais ça pollue tout ça aussi. Oui, puis il faut savoir que, Il y a la moitié du village pratiquement qui a été déménagé. C'est ça. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des citoyens qui sont collés sur la mine encore. Là. Il y a des citoyens qui habitent à moins de 100 mètres de la mine. Puis là, ce qui se passe, c'est que ça entraîne des poussières. Il y a des sautages deux fois par jour importants qui causent des vibrations qui viennent faire craquer le... Ça prend la vaisselle en plastique. Oui, mais qui vont jusqu'à faire craquer les fondations de la maison. Ah oui. Le bruit, le transport par camion incessant. Mais globalement, si on prend le pouls de la ville de Malartic, gens sont contents. Ben oui, ceux qui sont restés, c'est parce qu'ils travaillent à la mine. C'est ça. Il y a plein de gens à Malartic qui sont tout à fait d'accord avec la mine, mais les gens du quartier sud, au sud de la voie ferrée, qui sont proches de la mine, eux, n'en peuvent plus. Puis la qualité de l'eau, je pense qu'était une question aussi. À Malartic, la qualité de l'eau n'est pas un problème à l'heure actuelle, mais le cas de Malartic a donné lieu à deux rapports de la santé publique complètement accablant pour la minière. Et les citoyens, depuis le début, depuis 2009, demandent un protocole d'acquisition et de compensation. Parce que là, ceux qui veulent s'en aller ne peuvent pas, parce qu'ils ne sont pas capables de vendre leur maison. C'est ça. Leur maison se désagrège, en certains cas, à cause des vibrations, mais la minière ne reconnaît pas sa faute. Mm-hmm. Donc, il y a un recours collectif qui a été lancé par les citoyens de Malartic, le jour même du dépôt du livre vert. Comme acceptation sociale, il faut repasser, comme disait. C'est ça. Puis, étonnamment, le ministre délégué aux mines, Luc Blanchette, il donne souvent la ville de Malartic comme exemple d'acceptabilité sociale. Donc, c'est un peu surréaliste. Mais malgré tout, dans le livre vert, il y a des éléments intéressants parce que, d'une part, le ministre ouvre une porte. Expliquons donc ce qu'est un livre vert. Je ne sais pas si ça a changé depuis que je l'ai appris, mais il y a des années, on faisait des livres blancs, des livres beige, des livres verts. Oui, un livre vert, c'est pas juste que la couverture est verte. Je pense que la version électronique, il n'y a rien de vert là-dedans. Non, il n'y a rien de vert là-dedans. Mais en fait, l'idée d'un livre vert, c'est que c'est des orientations gouvernementales qui sont soumises à consultation. Donc, c'est le gouvernement a une idée sur la question, mais ce n'est pas quelque chose de de canner, là, ouais. Dans, il a envie de consulter pour voir si ses orientations sont intéressantes. Puis ça pourrait peut-être devenir un projet de loi éventuellement. Oui, en bout de ligne, éventuellement, ça pourrait donner lieu à un livre blanc qui, là, est vraiment quelque chose de davantage travaillé, là, davantage proche du projet de loi. Là. Option pour le Québec est meilleure mine. Oui, livre blanc. C'est ça. Et en fait, donc, il y a des éléments relativement intéressants parce que le ministre ouvre la porte à l'idée qu'une communauté puisse ne pas accepter un projet. Par contre, il se réserve le droit de trancher. C'est pas un droit de veto qu'il a concédé aux citoyens, là, on se comprend bien. Mais par contre, c'est une première en ce sens qu'on avait déjà entendu le ministre le mentionner. Certains projets, parfois, ne seront pas acceptable, pas accepté par la population. Donc, il reconnaît que des fois, peu importe ce qu'on fait, il y a des projets qui sont inacceptables. Donc, ça, c'est une chose intéressante. Il s'engage, dans le fond, à une plus grande transparence quant à l'accès à différentes informations, à davantage de consultations aussi. Donc, c'est pas un livre vert qui a été super bien reçu par l'industrie. Nous, on a un accueil mitigé. On voit que quand même, il y a une ouverture de la part du ministre malgré tout. Mais bon, c'est pas absolument pas parfait. Et nous, ce qu'on demande, en fait, là-dessus, ce sont des consultations élargies, c'est-à-dire des consultations publiques. Parce que là, les consultations sur le livre vert, ça va se faire en commission parlementaire et ça va être sur invitation encore. Ah oui, puis il faut essayer de convaincre certains députés, puis ils sont pas toujours favorables. Ben c'est ça. Ben nous, on sait qu'on va être, reçus, bon, là. C'est quand même une bonne nouvelle qu'on va se savoir bien représenter, parce que vous représentez plusieurs organismes. J'en ai la liste ici. Je sais pas si ça vaut la peine de les énumérer, mais quels sont ceux qui sont les plus connus là? Ouais, ben on a des grandes centrales syndicales, on a des associations de médecins, on a plusieurs groupes environnementaux. Le RQG, le Réseau québécois des groupes écologistes, ce qui inclut par la bande les Amis de la Terre, d'autres organismes qui ne sont pas nécessairement des professionnels de l'environnement, non. Comme on dit, là, les conseils régionaux de l'environnement ne sont pas tout à fait là. Je vois Action Boréale, Abitibi-Témiscamingue, oui, on a plusieurs groupes Alternatives, Artistes pour la paix. Tout donc, à fait. Ça regroupe quand même beaucoup de monde, mais est-ce que chacun de ces organismes-là vont pouvoir aussi en présenter un ou vous êtes sous le même chapeau? Ben, écoutez, c'est sur invitation. On pense que des gros organismes environnementaux comme Nature Québec vont sans doute être invités, là, des coule pas chez nous sans doute sur la question pétrolière, mais en fait ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que dans des commissions parlementaires, c'est encore déséquilibré. Qui est invité beaucoup? Les chambres de commerce, les représentants de l'industrie. Donc, c'est bien que ces gens-là soient entendus, mais où sont les simples citoyens, là? Nous, on peut se faire un peu leur porte-voix, mais moi, j'habite à Limoilou, tu sais. J'ai pas de mine dans ma cour, là. Je n'y vis pas les impacts. Attends. Pas encore. Je sais que Véronique, là, qui se plaint de poudre rouge, c'est peut-être des conséquences de... Ben, ça pourrait être exploité. C'est peut-être un minéral exploiter. C'est clair que c'est une partie du chaînon de l'industrie minière, parce qu'en fait, les mines qui sont au nord font descendre leurs minerais jusque aux différents ports. C'est par ici qu'ils partent la plupart. Soit par cette île, par ici... Donc, le nickel dans l'air à Limoilou est intrinsèquement lié aux mines de nickel qui sont dans le nord du Québec. Il n'y a pas de doute là-dessus. T'sais. Puis, ça a des impacts. Quand vous vous mouchez, là, regardez ça, il y a du nickel là-dedans, puis on peut faire des Saint-Saëns avec ça. Mais parlons du livre vert. Moi, je vois qu'il y a eu au moins 5 grandes recommandations. Est-ce qu'il y en a quelques-unes quand même? Il me semble, votre communiqué était quand même assez positif. Là. Vous avez une certaine ouverture à certaines recommandations. Bien, comme je disais, on a une ouverture prudente parce qu'on attend de voir comment ça va être appliqué dans les faits. Mais bon, l'idée de faire en sorte que, dans le fond, que les gens qui ouvrent la porte explicitement au droit pour une communauté de consentir à un projet ou à une décision, puis de l'exprimer, ben ça, c'est positif. Là. C'est une première et puis on ne pouvait pas juste critiquer. Là. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est une de nos revendications principales. C'est sûr que, comme je disais, c'est pas un veto. On attend de voir comment ça va s'appliquer parce qu'il n'y a pas de balise concrète là, dans le livre vert. Là. C'est assez flou sur la question. Mais le livre vert met aussi l'accent sur la nécessité d'avoir accès à une information juste, transparente, indépendante, ce qui était une autre de nos revendications. Parce que actuellement, les citoyens doivent se battre pour avoir accès à la moindre information concernant les mines, puis c'est la même chose pour les projets pétroliers. Avant que le promoteur dépose son étude d'impact, en général, on n'a accès à rien. Là, on ne sait pas vraiment ce qui s'en vient. Puis, en plus, entre le dépôt de l'étude d'impact puis le BAP, en général, il y a 30 jours. Donc, on a 30 jours pour lire 1000 pages puis se préparer pour passer devant le BAP. Là. Donc, on te remercie d'être passé par ici aujourd'hui. Tu devrais être en train de lire la page 8292. Oui, on en lit beaucoup, mais pour l'instant, il n'y a pas de... Il y a éventuellement un BAP qui va avoir lieu à Malartic, encore une fois, parce que la fameuse mine canadienne Malartic veut agrandir. Mais c'est une mine de quoi, ça? C'est une mine d'or. Mine d'or? Oui. OK, ouais. Bon. Oui. Donc, c'est ça. Même... Mais le Canada a tout vendu son or récemment, là. Je sais pas pour se faire. C'est peut-être moins important, l'or, maintenant. Les bijoux. À quoi ça sert? Ben, c'est ça. L'or sert principalement de nos jours. Ben, moitié-moitié. Aux réserves. Une moitié pour la bijouterie. Une autre moitié pour le système financier. Ben, c'est donc, ça. C'est de l'or qui vient, qui est spéculé, là. Ben oui. Puis pour entreposer à Ottawa, là, dans les sous-sols. À la Banque du Canada, même qu'il paraît qu'on entrepose de l'or de d'autres pays. Ah, sans doute. Et parce qu'on est très bon dans l'entreposage d'or. D'ailleurs, ça fait moins long à voyager. S'ils prennent l'or de Malartic puis qu'ils l'amènent à Ottawa, j'imagine que ça va coûter moins cher que prendre celle de l'Afrique du dans Sud. Dans une économie globalisée, genre, ça fonctionne pas comme ça. Là. C'est pas notre or local là, qu'on garde. Là. Ça se trouve, on en achète à l'autre bout du monde puis on vend celle-là aussi. Là. Ça voyage beaucoup, les métaux. Nous, on sait que le grain de sable, c'est quelque chose d'important, qui vaut beaucoup, qui est important pour la communauté. Peut-être qu'un jour, il y aura des mines de grains de sable. Ah, qui sait? Qu'on pourra vendre ça à Limoilou, au coin de la 3e, la 4e. Vous savez que les sablières, ça comporte son lot d'impact aussi, là, fait qu'il faut faire attention. Mais c'est très pratique en radio. Un sablier de 3 minutes, par exemple, quand tu as besoin de savoir qu'il ne reste plus de temps, là, tu sais, tu te mets un petit 3 minutes, ça peut être utile là, pour nous d'avoir un sablier de grains de sable. Et est-ce qu'il y a un grain de sable dans tout ce processus de livre vert? Vers un livre blanc, audience publique. Qu'est-ce qu'on aurait à dénoncer, finalement? Bien, en fait, nous, ce qu'on demande, c'est des consultations élargies. Donc, on veut absolument que ce soit public et on va taper sur ce clou-là. Mais c'est lancé. Donc, la prochaine étape, si le gouvernement n'accepte pas notre demande d'élargir le débat, bien, ça va se passer en commission parlementaire et on va défendre le droit des citoyens de vivre dans un environnement sain. De vivre en santé, de pas être affecté outre mesure par des projets industriels dont parfois la pertinence est remise en cause. Là. Il y a d'autres filières. Je disais qu'il y a d'autres filières aussi là, qu'on a nommées dans le communiqué, mais qui nous apparaissent absolument fondamentales, qui ne rencontrent pas l'acceptabilité sociale. C'est la filière de l'uranium. Oui, parce que tantôt, quand je te posais la question, puis j'étais comme un peu déçu que ça soit de l'or à Malartic, parce que il y a des projets dans le Grand Nord où on parle d'uranium, puis je sais qu'il y a des mouvements plutôt reliés aux syndicats qui sont contre l'uranium. Je me souviens même en avoir peut-être parlé avec toi, mais dans d'autres fonctions, dans d'autres émissions, ici même à CKRL, par exemple, que il y avait même un groupe de médecins qui s'étaient ralliés dans le Grand Nord, dans le coin de Sept-Îles, je pense, contre l'extraction de l'uranium. Ah oui, mais c'est la direction de la santé publique locale. Elle-même, donc c'est le gouvernement lui-même. Est-ce qu'eux vont être invités, par exemple, dans ce genre de consultation? Je pense que, sûrement, l'Institut de la santé publique, ben j'espère, en fait, parce ils ont fait des sorties pour la question de l'uranium, ils ont fait des sorties pour Malartic aussi, c'est les directions régionales, mais même l'Institut national de santé publique aussi a produit des rapports quand même assez intéressants, donc ce serait intéressant de les entendre. Qu'est-ce qu'il avait à nous dire, justement, dans ce rapport-là, te souviens-tu? Il faisait un lien entre la santé, il ne voulait pas de ça parce qu'il savait, puis il y avait des statistiques à l'appui, puis même des expériences de d'autres pays, que l'extraction d'uranium avait créé des problèmes de santé. Oui, ben en fait, l'extraction d'uranium puis l'entreposage des résidus radioactifs... En fait, on n'a pas la technologie actuellement pour s'assurer d'une bonne gestion de ces résidus-là, sachant qu'ils demeurent radioactifs pour des périodes dépassant les 1000 ans. Donc, on n'est pas capable de nos jours, oui. On n'est pas capable de s'assurer. Il y a 1000 ans, est-ce que vous êtes capable de penser à des choses qui ont été construites et qui sont encore surveillées? Là? Je ne sais pas, mais les pyramides d'Égypte, ils découvrent encore des choses aujourd'hui. Ah, c'est sûr, il y a encore des choses qui se découvrent, mais si on découvrait un gisement... radioactif ancien puis qui avait été laissé abandonné parce que en fait c'est souvent ça qui arrive. On sait qu'il y a beaucoup de sites miniers abandonnés au Québec. On sait que c'est ça repose sur les épaules du gouvernement très souvent. Puis il y en a qui sont pratiquement oubliés. Donc ça peut causer son lot d'impacts parce qu'on dans le fait les dangers de la radioactivité ne sont plus à prouver là. C'est quelque chose qui est démontré hors de tout doute. Donc, les mines d'uranium causent un impact incroyable. L'ensemble des communautés autochtones du Québec sont opposées à l'exploitation de l'uranium sur leur territoire. Il y a eu une marche des cris de Iuitchiks qui ont marché lors du BAP sur l'uranium, 800 kilomètres de Mistissini, quand même assez loin dans le nord, jusqu'à Montréal pour protester contre... pour manifester, en fait, leur opposition ferme à l'exploitation d'uranium sur le territoire. Donc, c'est vraiment un consensus social. Le BAP sur l'uranium, le rapport est assez clair. Il n'y a absolument pas d'acceptabilité de la filière uranifère et les dangers sont trop vastes. Il y a trop d'inconnus pour qu'on puisse procéder avec cette exploitation-là. Puis souvent, en plus de ces facteurs que tu expliques si bien, c'est le prix de l'uranium ou le prix de l'or qui peut déterminer s'il va vraiment avoir un produit. Si une exploitation, une extraction, est-ce que le prix de l'uranium, par exemple, est à la hausse, à la baisse, ça peut être déterminant pour un gouvernement, tu sais, de dire, sous prétexte de créer de l'emploi, ben on va vous polluer un petit peu pour faire de l'argent avec ça. Ben oui, mais c'est ça, c'est plus qu'un polluer un petit peu dans ce cas-là, mais aussi, actuellement, le prix de l'uranium est très bas parce que le marché des centrales nucléaires est en déclin, en fait. Heureusement. En France, qui est un des pays où il y a le plus, qui est le pays où il y a le plus de centrales nucléaires par habitant, la compagnie qui est en charge de ces centrales-là est en faillite technique. C'est la compagnie Areva. Oui. Donc, c'est le gouvernement un peu qui supporte ça, là, parce qu'actuellement, rien ne va plus dans le monde de l'uranium. Oui. Une chance, mais par contre, ça comporte d'autres problèmes parce que qui va s'assurer que le démantèlement ou que le maintien des centrales actuelles soit fait correctement s'il n'y a plus d'argent dans les coffres? C'est autre chose. Le président François Hollande avait promis lors de son élection du premier quinquennat, il avait promis de fermer des usines nucléaires. Mais finalement, ça s'est traduit en une annonce de promesse de fermer. Et je pense qu'il y en a une qui est en mauvais état aussi. Donc, au minimum, on peut espérer deux ou trois centrales nucléaires en France à fermer. Et en Allemagne, il y a une tendance aussi à vouloir en fermer. Oui, mais vous savez que l'Allemagne, justement, se fait poursuivre en vertu du fameux dispositif. Ça revient toujours aux mêmes affaires. C'est ce que tu vas nous dire. Le libre-échange, oui. L'hypercollusion, les multinationales qui ont le pouvoir au-dessus des gouvernements. Exactement. Un autre bel exemple. Un exemple, parce que l'Allemagne fait l'objet d'une poursuite de la part de l'industrie du nucléaire pour vouloir sortir du nucléaire. Eux considèrent que c'est une perte de profit pour eux qui est non justifié. Est-ce que ça pourrait arriver ici au Québec? Ben ici, on est en train de fermer la seule centrale nucléaire qu'on avait. Donc, pour les centrales, ça ne nous arrivera pas, sans aucun doute. Il y a Strateco, la compagnie qui avait monté un projet de mine d'uranium dans le nord, là, justement proche de Iuitchi, sur le territoire Cree, qui poursuit le gouvernement. Parce que Strateco n'a pas eu encore son certificat d'autorisation parce que il y a comme un moratoire administratif. Là, le temps que le gouvernement étudie le rapport du BAP sur l'uranium, ils ont mis un genre de semi-moratoire. Ben, c'est un moratoire, c'est-à-dire qu'ils n'accordent plus de permis d'exploration ou d'exploitation d'uranium pendant ce temps-là. Donc, Strateco considère que ça n'a pas d'allure, là, puis qu'ils ont tout, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire pour aller de l'avant. Donc, ils poursuivent le gouvernement pour cette raison-là. Eh bien, juste avant qu'on change de demi-heure de sujet, je veux qu'on parle de cette semaine d'action pour un meilleur partage de la richesse du 21 au 27 février. Mm-hmm. Et il y a plusieurs actions qui se veulent comme une semaine d'action dérangeante. Donc, à partir de demain, si vous allez à Montréal, dans certaines régions du Québec, il y a la coalition qui est opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, coalition Main Rouge, et qui commence lundi plusieurs activités à travers le Québec. Mais semble-t-il, là je parle plus à la porte-parole d'Attaque Québec, Dominique, est-ce qu'il y a des activités tout près de Québec où on peut se déplacer? Les activités à Québec sont pas encore annoncées en tant que telles. On sait qu'il va y avoir des petites actions menées par des groupes spécifiques, mais il n'y a pas d'action publique d'annoncer pour Québec. Par contre, pour nos auditeurs qui sont à Montréal et qui nous écoutent par Internet, il y a une, il y a une manifestation importante qui va avoir lieu, en fait, à Montréal. Donc, vous pourrez trouver les détails sur notre site web, mais c'est important d'y aller. En fait, on sait qu'il y a plein de solutions. Il y a 10 milliards de solutions qui peuvent permettre au gouvernement d'éviter de couper dans les services et de renflouer les coffres de l'État d'une autre manière, d'une manière plus juste. Donc, la marche, c'est un rassemblement au Square Dorchester à midi. Ça va avoir lieu le lundi 22 février. Oui. Donc, alors, il y a un événement Facebook, si vous voulez avoir plus de détails à midi, le Manif Action avec rassemblement au Square Dorchester, comme tu dis. Même à Rimouski, rassemblement organisé par le regroupement contre l'appauvrissement, Rimouski-Ningette. Il y a, sur la Côte-Nord, Sept-Îles et Baie-Comeau, action bruyante et remise d'objets symboliques au bureau de députés de la région. Alors voilà, on pourrait faire ça aussi, là, aller voir Agnès Maltais, aller voir nos députés ministres, autant fédéral que provincial. On a beaucoup parlé du provincial, Dominique, mais est-ce que le fédéral a son mot à dire dans les mines aussi? Le fédéral, oui, bien sûr, surtout en ce qui concerne la question nucléaire, là, c'est géré par la Commission canadienne de sûreté du nucléaire, mais ça pourrait faire l'objet d'une émission à part entière si vous m'embarquez là-dedans, là. On n'est pas fini, ben, on n'est pas sorti. Promesse, on vous promet qu'on va vous parler un jour que c'est la faute au fédéral, finalement, s'il neige, c'est la faute au fédéral, s'il pleut. À Montréal, il y a aussi à midi et demi, action éclair de visibilité sur les coupures en santé et l'impact sur les femmes. Dans le coin de Villeray. Ah, c'est intéressant. Une belle semaine. Hey. Oui, remplie d'activités. Et à Gatineau, un rassemblement dans l'Agora, à la Maison des citoyens. À Sherbrooke, action sur le thème de l'austérité. Donc, partout où vous êtes au Québec, il y a possibilité. Si on peut rappeler, Jean, les différentes propositions, en fait, de la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics pour éviter de dégrader nos services publics. Il y a plusieurs manières d'aller chercher de l'argent. Améliorer la progressivité de l'impôt et revoir les dépenses des particuliers, ça pourrait nous amener près d'un milliard. Donc, lutter contre la fraude et la mauvaise gestion des fonds publics. Et plusieurs choses comme la lutte contre les paradis fiscaux, on en parle souvent et ça faisait l'objet de l'émission la semaine passée. Donc ça pourrait ramener aussi, ça fait partie du milliard là, qui pourrait être cherché. Puis en tout, la coalition pas la coalition Québec Meilleure Mine, mais la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, propose des solutions qui totalisent près de 10 milliards en fait. Que l'État pourrait aller chercher facilement. Et pendant ce temps, des banquiers, des PDG de grandes entreprises, politiciens, médecins, amis du gouvernement profitent du démantèlement de nos outils collectifs pour s'enrichir pendant que tous les autres s'appauvrissent, maille par maille et sans scrupule. On est en train de détruire notre filet social. Et il n'y a pas si longtemps, je parlais avec un ami, puis il me dit « Ah oui, je suis allé dans un cabinet de médecine privée. » Et ça, ben quand on fait ce genre de geste-là, bon, on ne rend pas service au maintien des services de qualité. Donc, coalition main rouge, est-ce qu'ils font partie de la coalition du Québec pour le meilleur mine? Non, mais non, ils n'en font pas partie, mais par contre, tu sais, le milieu militant, c'est un petit milieu, donc on se connaît tous un peu quelque part, donc les revendications circulent quand même. Peut-être mentionner, pour faire un pont avec la prochaine demi-heure, que la revendication numéro 15 qui permettrait d'aller chercher 266 millions, c'est l'utilisation de logiciels libres par l'ensemble de l'appareil gouvernemental. Donc, c'est une des propositions. Ah, ça, là! Parce que notre ami ici va être d'accord. Ben oui, Miguel, on va en reparler dans quelques minutes. Mais d'autres choix sont possibles. Parce que c'est bien beau de dénoncer, de dire on manifeste, mais C'est parce qu'on est à l'heure de préparer le prochain budget 2016. Tout à fait. Et je sais qu'un gouvernement qui se tient, un ministre des Finances, qui veut arriver à un bon budget passible d'acceptation sociale, eh bien, il va consulter les chambres de commerce, comme tu dis, il consulte des organismes, le conseil du patronat. Mais rarement, les mouvements sociaux, les organismes dont on parlait tout à l'heure, sont consultés pour vraiment d'une manière structurée et systématique et annuelle. Alors, je pense que c'est le moment de dire à nous la rue, dans la rue, dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est entre autres, quand on associe Attaque Québec à ça, c'est de réinstaurer la taxe sur le capital pour les banques, ce qui se fait de plus en plus en Europe. Ça se discute. Certains pays comme l'Allemagne, la France ont des projets de loi. Bon, peut-être qu'ils seront peu ou mal ou prou appliqués, mais ça se discute ici. On est vraiment en retard sur ce genre d'alternative d'augmenter les impôts des grandes entreprises au lieu de les diminuer. C'est sûr que si on consulte les grandes entreprises, ils ne nous diront pas augmenter nos impôts. On a le goût de vous en donner plus. À moins que Microsoft ait un cœur plus généreux que d'autres. Ça aussi, Miguel va nous en parler tout à l'heure, peut-être. Lutter plus activement contre l'évasion fiscale, carrément. Mais ça, il me semble qu'on entend plus parler qu'avant. Là. Il y a quelque part, là, les gouttes d'eau puis les coups de bâton dans la mare commencent à faire des vagues. Il me semble qu'on n'entendait pas autant d'évasion fiscale. Ben là, c'est que ça devient gênant un petit peu pour les gouvernements de ne pas s'en préoccuper, sachant qu'il y a des dizaines de milliards de dollars qui dorment dans les paradis fiscaux à l'abri de l'impôt. Et que les gouvernements s'en font complices aussi dans certains cas. Là. Le gouvernement, notamment dans l'industrie minière, parce que c'est le domaine que je connais le mieux, il vient financer des projets qui ont recours aux paradis fiscaux. Ça nous, pour nous, c'est scandaleux. Donc, on demande au moins ne les financez pas. le mieux, ce serait d'interdire, de leur interdire les permis carrément. Là. Moi, nous, on pense que c'est possible de le faire, mais en plus, les financer, là, c'est ajouter l'insulte à l'injure. Là. C'est vraiment, vraiment incroyable. On leur donne le pain et le beurre et l'argent du beurre. D'ailleurs, le beurre étant spécial aujourd'hui, profitez-en, il est pas cher. J'en ai vu à 6,39, mais pas loin d'ici, j'en ai vu à 4,39. Donc, 2 piastres de moins sur la livre de beurre non salé. Ça vaut la peine. Restez avec nous. On va vous parler de liberté, on va vous parler de gratuité, on va vous parler de la possibilité d'avoir des logiciels libres, libres d'impôts. Ah, voyez-vous, des fois, c'est pas toujours bon. We know the battle ahead will be long, but always remember that no matter what obstacles stand in our way, nothing can stand in the way of the power of millions of voices calling for change. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. J'ai fait le rêve que le peuple s'élèvera dans mon rêve. Cette fille s'élèvera dans mon rêve. Une fille s'élèvera main dans la main. La mer s'élèvera dans mon rêve. C'est des noirs et des blancs, c'est des jaunes et des rouges. Tout est plein de couleurs, des jaunes et des rouges et des noirs et des blancs. Dans mon rêve, y'a pas d'homme qui est dominé, pas de peuple qui est dominé, pas de terre qui est dominée. Et l'état tous et la haine est dominé. Dans mon rêve, des colons éliminés, colonies éliminées. J'abolis les colonies d'années de la terre, toutes les colonies dans mon rêve, le raciste éliminé, xénophobe éliminé, homophobe éliminé, antisémite camite éliminé. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. Je visite Farafina, depuis le Caire, le Cap, le Massina. Dans mon rêve, moi je quitte de Dakar, Bamako, Ndiamena, Dar et Zanzibar. Dans mon rêve, on annule les visas, tous les pays de l'Afrique sans visa. Même l'Europe élimine les visas, l'Asie, l'Amérique abolit les visas. Dans mon rêve, plus de guerre pour le pétrole, plus de guerre pour le diamant, plus de guerre pour de l'or. La guerre subie ne fait plus tant de morts. Dans mon rêve, je ne suis pas le rêveur, je ne suis pas l'utopique. Le rêve est réel, l'utopie est le rêve. I have a dream. Can't. one day, my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Yes, we can. Yes, we can. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Yes, we can. Yes, we can. Le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour ne pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Écoutez CKRL 89.1. Saying the winner that we need to make every single thing accessible to every single person with a disability. Oui. Miguel, est-ce que tu es avec nous? Oui. Oui. Alors, j'ai mis comme introduction Stevie Wonder. Moi, ça m'a beaucoup impressionné cette semaine au Grammy Awards. Je ne les ai pas vus en direct. J'aurais bien aimé, mais je n'étais pas en possibilité d'accès à une télé pour ça. Et Stevie Wonder... qui est un habitué des Grammy Awards. Je pense qu'il a reçu 25 Grammy depuis qu'il fait sa carrière. Il a fait quelque chose qui a fait le tour des médias sociaux cette semaine aux Grammy, alors qu'il devait ouvrir une enveloppe et annoncer le gagnant. Eh bien, il a rigolé en riant des gens qui ne pouvait pas lire ce qu'il y avait sur l'enveloppe. Alors, il était entouré de vedettes, là. Et il tenait donc cette enveloppe avec la petite carte avec le nom du vainqueur à la caméra, avec un grand sourire aux lèvres. Steve Wonder s'est bien marré. Il dit, vous tous, c'est ce qu'il disait en anglais, que pour ceux qui n'ont pas compris, vous tous, vous ne pouvez pas lire ça, pas vrai. Vous ne pouvez pas le lire, vous ne pouvez pas lire le braille. Nan, nan, nan, nan, nan. Et Steve, avec moi, ça m'a beaucoup impressionné quand je suis passé au Garage Unique cette semaine. J'ai vu que tu avais un équipement et qu'avec tes doigts, tu pouvais communiquer avec ton ordinateur. On entendait une voix et toi, tu communiquais avec tes doigts en lisant le braille et en écrivant en braille finalement à ton ordinateur. Et ça, c'est plus facile avec un logiciel libre. Plus facile. Je dirais que c'est plus facile, oui, parce que justement, ça tombe bien que tu dises ça, parce que justement, ça tombe une belle introduction. Merci pour l'introduction. C'est pour dire que les logiciels libres, justement, ça rouvre la porte, justement, à des personnes, justement, non-voyantes ou handicapées en général, plus que le logiciel propriétaire d'aujourd'hui qu'on connaît. Donc, c'est une grande ouverture pour nous. Si les entreprises, puis ça, là, je dis ça, là, c'est un message que je veux passer là, pendant que je suis ici là, sur la station de radio. Là. Ce serait important que les entreprises comprennent que employer du logiciel libre, c'est ouvrir la porte à l'employabilité des personnes handicapées. Ah oui? Oui. Eh bien, pourquoi est-ce que d'autres logiciels qu'on appelle propriétaires, qui coûtent les yeux de la tête... coûte un bras, sont moins accessibles parce qu'ils sont plus dispendieux ou parce que les gens du logiciel dont tu fais partie comme président de l'UNUC, tu es donc un porte-parole de groupe de logiciels libres, c'est sûr que tu vas prêcher pour ta paroisse, mais effectivement, ça rend plus accessible les réseaux sociaux, par exemple? Bon, pour vous donner une idée, c'est que les logiciels libres, les logiciels propriétaires qui sont plus dispendieux, oui, sont plus dispendieux, effectivement. Et oui, au niveau de l'accessibilité, des fois, c'est pas toujours bon parce que, exemple, je m'en vais dans une compagnie qui utilise un logiciel maison qu'ils ont conçu. C'est pas garanti que mon logiciel propriétaire, qui coûte au-delà de 2 000 $ la copie, d'autant plus qu'il est protégé, donc tu n'as pas le droit à plus que 5 utilisations, donc tu peux pas l'installer à plus que 5 postes. Sinon, si tu veux avoir des clés supplémentaires, tu paies un surplus. Donc, c'est pas dit que le logiciel maison qu'ils vont avoir créé va avoir l'accessibilité nécessairement au niveau du logiciel propriétaire. Et si c'est un logiciel commercial qui est connu, ben quand tu t'en vas voir la compagnie qui a fait le logiciel propriétaire, ben lui, eux autres, ils te disent « Ben attendez à la prochaine version, là, c'est pas prêt encore, là, pour l'accessibilité. Attendez à la prochaine version, fait que vous payerez 175 $ de plus pour la mise à jour. C'est pas plus grave que ça. » Tu sais, c'est comme, il faut arrêter d'utiliser ces logiciels adaptés-là qui font qu'on est toujours coincé quelque part. Puis le meilleur exemple que je peux donner ici, c'est au niveau des Windows. Tu sais, Windows, c'est un logiciel propriétaire, on s'entend là-dessus. Mais au niveau des Windows, bon, Windows 10 vient de sortir. Bon, le logiciel propriétaire le plus connu, communément appelé JAWS, J-A-W-S, qui veut dire Job Access with Speech, c'est un logiciel propriétaire qui coûte au-delà de 2 000 $ et actuellement, ils sont rendus à JAWS version 17 et ils sont pas encore tout à fait prêts pour Windows 10 qui vient de sortir depuis le mois de juillet. Donc, les gens qui veulent vraiment être sûrs que ça fonctionne bien au niveau de Windows 10, ben ils sont obligés d'attendre à la version 18 de JAWS. Donc, ceux qui sont obligés de payer, ben ils vont devoir payer encore 175 $ pour avoir accès à ce fameux Windows 10-là. Alors que l'équivalent en logiciel libre, ça serait quoi? En logiciel libre, il y en existe un, effectivement, au niveau de Windows, qui s'appelle NVIDIA. Ce sont deux Australiens, un qui s'appelle Michael Curran et l'autre qui s'appelle James T. D'ailleurs, le site Internet, pour ceux qui ça les intéresse, c'est nvda-project.org, donc nvda-project.org. Il y a tout sur le site, c'est tout expliqué, l'historique, comment que ça a commencé. Et ces deux personnes-là, Michael Curran et James T. d'Australie, sont deux personnes non-voyantes, comme moi. Moi, là, j'ai aucune vision, là. Je vois absolument rien. Zéro que dalle. Donc, ces gens-là, ils sont vraiment capables de nous représenter et ils ont sorti justement NVDA qui veut dire Non-Visual Desktop Access, qui se trouve être un logiciel qui, selon moi, est l'avenir au niveau du libre, au niveau de Windows, parce qu'il est portable. C'est-à-dire, même si une nouvelle version de Windows est sortie, même si c'est pas tout à fait complet, qu'on pourrait dire, au niveau de l'accessibilité, ben tu vas quand même être capable de te débrouiller dans ton nouvelle interface de Windows, puis être capable, malgré tout, de l'utiliser. Tandis que, comme je disais, par rapport à Job Access with Speech, ben ça, c'est pratiquement impossible. Tu arrives dans la nouvelle interface, tu essaies d'installer la version de JAWS que tu as actuellement, ben tu peux pas l'utiliser parce que c'est pas prêt. Donc, mais NVDA, lui, est portable. Et en plus, il est portable au niveau que tu peux le mettre sur une clé USB. Donc, quelqu'un va chez une personne pour l'aider, il met sa clé USB dans l'ordinateur, il part son NVDA, il est capable d'utiliser l'ordinateur le temps qu'il a besoin pour donner de l'aide à la personne. Et par la suite, il enlève sa clé USB, il ferme son NVDA et c'est terminé. La personne a jamais ni vu, ni connu, ni rien vu de spécial dans son ordinateur qui a été installé. Donc, c'est la beauté de ce logiciel-là. Là. C'est vraiment... moi, écoute, je ne jure que par NVDA. Eh bien, c'est intéressant. Mais là, revenons à votre titre de président de Linux. Linux, en fait, c'est une association ou un groupe d'utilisateurs Linux qui a pour vocation de promouvoir et vulgariser les logiciels libres, donc les open source. Exact. Dans la ville de Québec. Oui. Donc, c'est pour ça que ça s'écrit L-I-N-U-Q. Et votre site, c'est effectivement linux.org. Oui. Et vos activités se tiennent habituellement les samedis après-midi, donc on vous fait manquer une activité. Là, toutes vous... les deux samedis. Ah, toutes les deux samedis. Donc c'est un bon samedi. Ce samedi-ci, exemple, il n'y en a pas d'activité. Nous, on a statué à ce qu'on fasse deux activités par mois, donc aux deux semaines, à toutes les deux samedis. Donc ça vous donne le temps de faire l'ordinateur entre-temps? Oui. On vous a décroché de votre ordinateur. Et donc, est-ce qu'il y a un lieu où on peut aller pour échanger puis s'assurer que ça ne coûte rien faire de l'Internet, finalement? C'est ça le but, là. Parce que vous parlez de 1 000-2 000 $ de frais d'utilisation de logiciels. Ça, c'est sans compter l'ordinateur qu'on a dû acheter à quelques milliers de dollars, sans compter les abonnements de plus de 100 $ par mois pour être branché Internet. Mais il existe des solutions dont vous en faites la promotion. Parlez-nous de cette possibilité de sauver de l'argent puis de rester branché. Ben, c'est sûr qu'au niveau de l'Internet, exemple, moi, les gros fournisseurs, là, Vidéotron, Bell, ces gros-là, là, moi, honnêtement, à la maison, là, je n'ai pas de ces gros fournisseurs d'Internet-là. Moi, j'utilise un fournisseur qui utilise les installations de Vidéotron qui s'appelle Electronic Box. Eux, c'est vraiment à des prix quand même très bas. Pour vous donner un exemple, mon forfait à moi, j'utilise un forfait à 30 $ par mois, j'ai 125 gigs de données de téléchargement. 125 gigs. Oui, de données de téléchargement. Évidemment, pour avoir l'illimité, tu payes 10 $ de plus. Donc, tu peux avoir l'illimité pour 10 $ de plus. Mais moi, comme je suis un non-voyant, comme je ne fais pas de vidéo streaming et des choses comme ça, ben 125 gigs pour moi, là, c'est amplement suffisant. Et puis... Est-ce que le fait d'utiliser des logiciels libres, ça fait utiliser moins d'espace? Je pourrais dire que oui, effectivement. Moi, j'utilise Linux. Je suis en Linux depuis au moins trois ans à la maison. Et j'ai pas vu la nécessité de revenir officiellement à Windows, quoique pour certaines applications ou certaines choses, j'ai ce qu'on appelle des machines virtuelles dans lesquelles je mets un Windows, exemple, XP. Je suis encore avec un bon vieux Windows XP encore, pour vous donner une idée. Donc, je prends pas toujours les Windows les plus modernes, mais de temps en temps, j'utilise des machines virtuelles, mais pour certaines choses. Autrement, moi, je suis en Linux mur à mur. Et puis, effectivement, c'est moins exigeant pour un ordinateur. C'est beaucoup moins gourmand en ressources. L'ordinateur se fatigue beaucoup moins vite, chose que les gens ne savent pas ou des fois n'ont pas nécessairement besoin de savoir parce que pour eux, tant qu'ils sont capables d'aller sur Internet, aller faire le petit Facebook puis le petit Gugus, C'est pas plus grave que ça. Sauf que, évidemment, quand tu payes un ordinateur une couple de milliers de dollars, puis qu'au bout de 3 ans, ton ordinateur commence à ralentir puis à être fatigué, ben, tu te dis, Colin, j'ai investi 3 000 $ dans un ordinateur, puis Colin, je suis encore obligé d'en racheter un autre parce qu'il a sorti une nouvelle version de Windows, parce qu'il a sorti une nouvelle technologie, ben là, je suis obligé de me remettre à jour. Et Linux, là-dessus, il vient apporter un grand... ça vient sauver la vie des ordinateurs. Ça vient leur redonner, d'ailleurs, une seconde vie. C'est un recyclage d'ordinateurs, en quelque sorte, Linux. Puis au Garage Linux, ici, là, tout près, là, sur Dorchester, coin des commissaires, pour 50 $, 45 $, on peut avoir un ordinateur recyclé, justement, ben oui, sur lequel on a mis les logiciels libres. Mais là, une fois qu'on a ça, comme moi, il faut prendre des cours. Qu'est-ce que vous suggérez comme formation? Vos rencontres, là, comme la prochaine qui a lieu le 27 février, oui. Vous dites sur votre site qu'il n'y a pas de niveau minimum technique requis pour participer aux activités de Linux. Non. Non, les gens, c'est ouvert à tous, parce que nous autres, on prône la philosophie du logiciel libre, donc il n'y a pas... OK, ça peut arriver des fois qu'il y a des conférences qui ont des niveaux un peu plus intermédiaires, tu sais, quand on parle de programmation puis de choses un peu plus techniques, peut-être, mais il y a certaines activités comme la prochaine, qui va être sur le jeu vidéo libre. Bon, c'est sûr que ça fait peut-être un petit peu drôle, là. Je suis non-voyant, puis le jeu vidéo libre. Mais disons qu'il faut quand même être... Il faudrait développer des jeux audio libres. Eh bien, je travaille là-dessus, figurez-vous. C'est vrai? Oui, oui, j'ai un projet de console de jeux vidéo audio. Donc, pas d'image, que de l'audio. Et ça, ça va intéresser les gens de radio, justement. J'essaye de, justement, travailler là-dessus. J'essaye d'utiliser ce qu'on appelle des Raspberry Pi, qui se trouve être une espèce de mini-ordinateur, micro-micro-ordinateur, qui est une mini-carte mère dans laquelle on peut y insérer un Linux. Il y a une carte de son intégrée à cet appareil-là. Et j'aimerais ça bâtir un espèce de boîtier, une espèce de console, justement, de jeu, parce que, qu'on se le dise, PlayStation, Wii, Xbox One, Xbox 360, Nintendo et compagnie, il n'y a pas une console actuellement sur le marché qui existe pour nous. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune console disponible. Donc, il faut que ce marché-là soit aussi touché. Les non-voyants ont besoin d'une console pour jouer aussi. Bien sûr, c'est vous avez des vous développez des sensibilités que d'autres n'ont pas la chance de développer. Ça coûte combien faire partie de votre groupe? Je vois que ça coûte 10 $ pour les résidents de Québec et 15 $ pour les non-résidents de Québec. Comment ça? Ça, c'est la ville qui les gens. Ah, oh, OK, c'est parce que vous êtes... Ah, parce que j'étais pour dire, les gens de l'ancienne Lorette... L'ancienne Lorette, ça fait partie de Québec encore, ça. Non, mais ça a été séparé. Il y a un maire séparatiste là qui est là, tout comme à Saint-Augustin, mais c'est sûr qu'il y a certains services qui sont partagés, comme le service des bibliothèques. Je crois qu'il y a certains liens avec l'Institut canadien. Vous avez déjà fait des conférences à la bibliothèque. Un de nos auditeurs nous disait ça tout à l'heure. Quel genre de conférences vous faites? Ben, il y a eu la journée du logiciel libre. Donc, cette journée-là qu'il y a eu à la bibliothèque Gabriel-Leroy, qui s'est tenue le 20 septembre ou le 19 septembre, je ne suis plus certain à 100% de la date, mais c'est dans ces dates-là, j'ai présenté les logiciels libres adaptés, justement. Qu'est-ce qui se faisait au niveau de Linux, au niveau de l'adaptation, puis tout ça. Donc, parce qu'il y a d'autres conférences à venir? Ben, il y aurait peut-être, au niveau du Technovision, je sais pas s'ils vont le faire cette année au niveau à Montréal, l'INCA, mais je sais que j'ai fait des conférences pour eux... je l'ai faite d'ailleurs pour le Technovision de Québec qui avait eu lieu le 15 avril dernier. Donc, j'ai parlé justement des possibilités des logiciels libres qui existent, autant du côté des plateformes, parce qu'il faut faire attention, on a des logiciels libres qui peuvent être portés sur diverses plateformes propriétaires. Donc, Windows est une plateforme, Linux est une plateforme, macOS est une plateforme. Les logiciels libres, ça peut se porter sur diverses plateformes. Puis d'ailleurs, parlant de logiciels libres qui se portent sur diverses plateformes, je sais que le Radioton de CKRL s'en vient sous peu. Oui. Et j'ai une petite proposition allez, pour vous. Allez donc, moi. Allez donc. Il existe une suite radiophonique, une suite d'automatisation radiophonique que la plupart des radios... Ben, vous voulez remplacer les animateurs par un ordinateur, c'est quoi? Non. je veux remplacer plutôt les logiciels propriétaires qui s'y prêtent actuellement pour diffuser les publicités, pour mettre en onde... Là, on est en WinRadio, là. Je sais pas si... Bon, WinRadio, voyez-vous, ça s'en est un logiciel propriétaire qui vaut une couple de milliers de dollars, en quelque sorte. Bon. Ah, OK. Fait qu'on pourrait sauver de l'argent en prenant des logiciels libres ici même. Exactement. De la manière qu'on anime nos choses. Ah, ouais. La suite de bureautique s'appelle Rivendell. R-I-V-E-N-D-E-L-L. Donc, le site, c'est rivendellaudio.org. Ça se trouve être une suite radiophonique open source, qui est libre. Donc, puis quand on parle de logiciel libre, c'est on peut avoir accès au code source. On peut vraiment avoir accès à ce code source. On peut faire en sorte de la modifier, cette suite-là, puis de la mettre à notre guise. Si, mettons, exemple, un programmeur bien expert décidait de prendre la suite puis dire, OK, pour nous, à CKRL, on la modifie de sorte qu'on puisse être capable de l'utiliser à notre niveau, ben il y aurait possibilité de le faire parce qu'on a accès au code source disponible. Et j'ai checké ça là hier, justement, Rivendell, j'ai checké ça un petit peu, puis j'ai vu là qu'il y a pas mal de tout. Hein. On peut extraire des CD, on peut... Tout ce qui a rapport à la radio est inclus dans... Eh bien, il faudra vous réinviter, M. Miguel Ross, président de Linux, associé au Garage Linux. C'est une coopérative en devenir, je pense. Merci beaucoup d'être venu. Il y aura d'autres sujets. Je voulais laisser la place aux geeks contre-attaque. Les connaissez-vous, les geeks contre-attaque? Non. Faut les croiser. Vous allez croiser. Il faut les écouter. C'est des spécialistes, là, des gens comme vous là, qui nous rappellent des choses importantes. Je vais juste mettre un petit peu de musique parce que je suis allé voir à Bourse Rideau cette semaine Pascal Picard, Michel Cusson, Tania Tagac. C'est vraiment intéressant. Des belles découvertes aussi. Un trio jazz Beaulieu. Ah, une chanteuse merveilleuse, Charlotte, dont j'ai oublié le nom de famille. Mais malheureusement, c'est des gens qui leur disent sont pas encore disponibles. Donc, en espérant pouvoir les faire jouer prochainement, vraiment des coups de cœur intéressants à Bourse Rideau. Donc, suivez CKRL et le Radio-Thon, vous allez découvrir de ces gens. Merci beaucoup, Miguel Ross. Merci, Dominique Bernier. Et on espère que vous avez retenu quelques grains de sable. Téléchargez le grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Afin de demeurer compétitif, tout entrepreneur doit s'adapter à un monde en constante évolution. Le Copilote réunit sous un même toit des professionnels de plusieurs disciplines désireux de mettre à profit leur expertise. Que ce soit dans les domaines de la gestion de la structure d'entreprise, ressources humaines, communication et marketing, technologie, comptabilité et juridique. Le Copilote accompagne les entreprises dans leur croissance, en maximisant leurs profits et en optimisant le potentiel de toutes leurs ressources. Consultez lecopilote.ca pour connaître tous les services offerts ou écoutez l'émission Entraîne ta fibre animée par François Bégin et Jessica Schooner les mardis 9h sur CKRL. Le Copilote, un atout de taille pour votre réussite. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% au Café Castello, 2909 Première Avenue. CaféPremièreAvenue.com. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Les lundis à 18h30, CKRL présente l'émission littéraire Les bouquins d'abord. La librairie Pantoute s'associe avec l'équipe de chroniqueurs passionnés pour vous présenter leur coup de cœur. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean, 286 rue Saint-Joseph-Est. LibrairiePantoute.com.